c'était franchement trop cool. Moi je me suis bien amusé. Alors il y avait Coach Micher depuis l'Espagne, Giambato depuis l'Espagne aussi, qui clip à mort et qui... C'est lui là, un nouveau chemin un solo. Et un chemin un solo. Ah non, bah non, ça marche pas. Donc je peux pas tout de même pas te mettre un solo. Ça craint. Alors ça marche. Non, il clip tellement le mec, ça fait bugger tout mon dos. Donc ça veut dire que c'est la fin. This is so late. I got to remember. Tomorrow I got to go to work. Tomorrow I got to go. Win some Bitcoin credit card. Tomorrow I got to go. Elle sera trop lourde ma brouette. Demain pour acheter ma baguette. Demain c'est chaud. Elle sera trop lourde ma brouette pour acheter mon café. Mon croissant c'est chaud. Mon copain il est boulanger, alors ça va. Pour le café, je vais devoir m'en passer. Je sais pas comment je vais faire, mais je vais m'en passer. J'ai vu la pub pour les champignons et j'en mange déjà. Pourtant, je crois que c'est pas ça qui nous propose. Peut-être que si, c'est vrai que quand même ça fout la patate. Les champignons au petit déjeuner. Bonjour. Vous avez vu la pub vous aussi? Est-ce que vous avez vu la pub? T'as vu la pub sur YouTube, moi je l'ai vu 10 000 fois. Bonjour, c'est le Black Friday. Alors c'est plus le Friday. Voilà, exact. C'est plus le Black Friday. Bon, j'arrête. C'est trop cool. Varganoid, on t'a pas entendu. Varganoid. Liopil. Elle a aimé. Qui marche. Viens voir. Non, ça marche pas, ça marche plus. Bye bye, I love you. Non, c'est pas vrai, je pars pas. Bye bye, it was a pleasure. I'll see you around soon. I think, I hope you're the best. Vaga, no it, we cannot hear you. Vaga, you're not in the room. I'll see. Bye-bye. Thank you. Thank you.